إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، تكلمنا في الخطبة الماضية عن أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو السمع والطاعة لولاة الأمور، لولاة أمور المسلمين بالمعروف وإن جاروا وظلموا. واليوم نتكلم عن منهج أهل السنة فيما يتعلق بالتكفير. عباد الله، أولاً، التكفير يا عباد الله حصل فيه خلط عظيم، فمن الناس من صار يكفر المسلمين وحكام المسلمين بغير حق، فإن التكفير عند أهل السنة والجماعة حكم شرعي ثابت في الكتاب والسنة. ثانيا، التكفير عند أهل السنة والجماعة راجع للدليل الشرعي، ليس على العواطف ولا على الأهواء ولا على الأعراف، وإنما التكفير حق الله سبحانه وتعالى، حق لله يحكم على من شاء وما شاء، ويقابل ذلك أن لا يحكم على ما إلا على ما شاء، يعني لا يحكم على أحد بالكفر إلا إذا كفر الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده أي محمدا صلى الله عليه وسلم قد كفراه فذاك ذو الكفران. فليس كل من استقبحه الإنسان أو كل ما استقبحه الإنسان يكون كفرا بالله. فبعض الناس ما إن يرى بعض الفسقة أو العساط الذين يعصون الله سبحانه وتعالى ويذنبون، يرونهم يصرون على المعاصي والفجور والفسوق إلا ويرميهم بالكفر والعياذ بالله. وبأي شيء وبأي دليل؟ بمجرد عاطفة عارية عن الدليل، لأنه استقبح ذنوبهم وفجورهم فكفرهم بغير دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفير المسلم بغير الحق، وهذه رسالة إلى المتسرعين في التكفير الذين يقتحمون بغير تفكر ولا روية. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: من قال لأخيه يا كافر، يعني من قال للمسلم يا كافر، فإن كان كما يقول وإلا حارت عليه، يعني إن كان هذا الرجل مستحقا للتكفير، أما إذا لم يكن مستحقا للتكفير فإن هذا الوصف يرجع على قائله، نسأل الله العافية. رابعا، ليس كل من قال بالكفر أو فعل الكفر يكون كافرا، ليس كل من قال بالكفر أو فعل كفرا يكون كافرا، فقد يكون الإنسان في الكفر، يقع في الكفر فيقول كلمة الكفر أو يفعل الكفر، ولكن أهل السنة لا يكفرونه. لماذا؟ لوجود مانع من موانع التكفير. وما المانع؟ وما هذه الموانع التي تمنع من تكفير المسلم ولو وقع في الكفر أو ولو قال بالكفر بلسانه؟ أولها الخطأ، فربما يتلفظ الإنسان بالكفر خطأ، كما في صحيح مسلم من حديث أنس في حديث الرجل الذي أضاع دابته في الصحراء، فلما وجدها ماذا قال؟ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فهذا الرجل سب الله وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ولكن الله يعذره بخطئه، وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى في ذلك: قد فعلت، يعني في الحديث القدسي قال: قد فعلت. فمن وقع في الكفر أو في قول الكفر أو فعل الكفر مخطئا فلا يجوز تكفيره. المانع الثاني الإكراه، ربما أكره المسلم وعذب من أجل أن يقول كلمة الكفر أو من أجل أن يفعل الكفر، فلا يجوز لمسلم أن يكفره لأنه قد أكره على ذلك وأجبر على ذلك، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه، فإن المشركين عذبوا أسرة آل ياسر حتى قتلت سمية أم عمار رضي الله عنها بأبشع قتلة، قتلها عدو الله أبو جهل بأن رماها بحربة في قبلها وقيل في فرجها رضي الله عنها، وما زال يعذبها ولدها، يعذبون ولدها يعني عمار بن ياسر بأصناف العذاب، فلما اشتد عليه العذاب قالوا: لا نطلقك حتى تنال من رسول الله، فلا يكفون عنه التعذيب إلا إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمع شدة التعذيب فعل ذلك رضي الله عنه وأطلقه الكفار، فخرج هائما على وجهه إلى رسول الله قال: يا رسول الله هلكت. قال: ما ذاك يا عمار؟ قال: إنهم ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك، حتى وقعت في سبك يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، فإن المكره قد عفى الله عنه. وأنزل الله في ذلك: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا دليل على أن من قال بالكفر وهو مكره أنه لا يكفر، أما من رضي بالكفر بقلبه ولسانه فهذا الذي يقع عليه الوعيد، نسأل الله العافية. تقدموا بارك الله فيكم. ومما يمنع المسلم من التكفير إذا وقع في الكفر أن يكون جاهلا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فربما وقع المسلم في الكفر وهو جاهل لغلبة الجهل، لعدم من يعلمه أو ينبهه، ولعموم الجهل في بلاد الإسلام والمسلمين في هذه الأيام. فإذا وقع المسلم في الكفر جاهلا بدون أن يعلم فإن الله ورسوله يعذرونه. روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وكان بعض الصحابة حديث عهد بالإسلام، كما يعني مسلم جديد دخل في الإسلام، فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها أسلحتهم وينوطون بها ينوطونها بها يقال لها ذات أنواط. مروا بشجرة يعبدها المشركون ويظنون أن هذه الشجرة تجعل البركة والقوة في أسلحتهم، فيعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة. فلما رآها المسلمون الجدد قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نفعل بها كما يفعل المشركون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أو كما لهم إله. قال: إنكم قوم تجهلون. فهؤلاء وقعوا في ذلك لأنهم كانوا حديث عهد بإسلام. فهل كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، بل نبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعلهم. فإذا وقع المسلم في الكفر بقوله أو بفعله فلا يجوز أن يبادر أو يبادر أحد إلى تكفيره حتى ينظر أهو مخطئ أو قاصد، هل هو مكره أو مختار، هل هو جاهل أم عالم. وقبل ذلك لا يجوز لمسلم أن يرمي أخاه المسلم بكفر. عباد الله، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في التكفير، ويقابله منهج الخوارج، يقابله منهج التكفيريين الذين كفروا عباد الله، يكفرون بغير دليل أو مسوغ. تراه اليوم يكفرون أولاً الحكام، يكفرون حكام المسلمين بأي شيء، يعني بوجود المعاصي، بوجود الحكم بغير ما أنزل الله مطلقاً. ثم إذا كفروا الحكام قالوا: من يعينهم فهو كافر معهم، فيكفرون الشرطة والعساكر، ثم يقولون إن المجتمع الذي لا يحارب الحكومة هؤلاء العساكر والمجتمع كافر، فيكفرون المسلم بالجملة كما حصل في كثير من البلاد الإسلامية في هذه الأزمان، يعني كما حصل في الجزائر والفتنة الكبيرة التي حصلت هناك من قبل بعض التكفيريين والخوارج، وخرجوا على الدولة فكفروا الدولة، فكفروا المجتمع بعامته بعد ذلك، فقتلوا الناس، الله المستعان. وحصل ذلك في كثير من الأماكن. فهذه فتنة كبرى تأتي من قبل الخوارج هؤلاء الذين ما عندهم فقه وما عندهم فهم لمعنى يعني الإسلام والكفر، ويكفرون بالمعاصي، ويكفرون بدون دليل، ويكفرون بغير أصول أهل السنة والجماعة. فترهم يقتلون ويريقون الدماء وينتهكون الأعراض والأموال بحجة ماذا؟ بحجة تكفير العباد. وباسم ماذا؟ باسم الجهاد في سبيل الله. أما مسألة الحكم بما أنزل الله، والذين يكفرون الحكام ويستدلون بالآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وينسون الآيات الأخرى التي تقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لا يأخذون هذه الآيات، وإنما يأخذون الآية التي تقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهؤلاء عندهم أخطاء في الفهم، أخطاء كثيرة وسوء فهم للقرآن، فيفسرون هذه الآية بتفسير الخوارج وليس بالتفسير السلف الصالح. فالتحاكم إلى ما أنزل الله ليس مجرد التحاكم في الأمور الخصومات والحدود، بل الحكم بغير ما أنزل الله أعم من ذلك. فالتحاكم إلى ما أنزل الله داخل في التوحيد لا شك، والتحاكم إلى غيره شرك، لأن معنى لا إله إلا الله مقتضاها ومدلولها التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد أدخل بكلمة التوحيد, قد أخل بكلمة التوحيد وأخل بمقتضى لا إله إلا الله. فمدلول الشهادتين أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا. وليس المراد التحاكم في المنازعات فقط, بل التحاكم في المقالات والاجتهادات الفقهية أيضا من هذا. فلا بد أن نحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أقوال المجتهدين, ونأخذ منها ما دل عليه الدليل, ونترك ما لا يدل عليه الدليل, ولا نتعصب لرأي فلان أو فلان من الأئمة. فمن تعصب ولم يكن متحاكما إلى ما أنزل الله وإلى الرسول, وإنما تحاكم إلى هذا الشخص الذي تعصب له وجمد على رأيه مع مخالفته, فهو اجتهد فيه. ولكن إذا خالف الدليل فلا يجوز لنا أن نتعصب لرأي إمام أو لرأي عالم أو لرأي مفتي من المفتين ونحن نعلم أنه مخالف للدليل, ولكن ذلك العالم معذور لأنه مجتهد ولكنه لا يصادف الدليل, فهو معذور له أجر على ذلك لأن هذا منتهى اجتهاده. أما من تبين له أن هذا اجتهاد غير مطابق للدليل فلا يسعه أن يأخذ بهذا الاجتهاد ولا يجوز له. والأئمة ينهون عن ذلك وينهوننا أن نأخذ بآرائهم دون نظر إلى مستند هذا القول من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا كنا كما سبق يعني قد أطعنا العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله, وهذا لا يجوز, وهذا خطير جدا. تحليل الحرام وتحريم الحلال يعني بعلم الذي يفعل ذلك يكفر, يخرج من الدين, وهذا حكم مطلق عام. وكذلك التحاكم في المناهج التي يسمونها الآن مناهج الدعوة ومناهج الجماعات, جماعة الإخوان, جماعة التبليغ, جماعة القاعدة, جماعة الداعش, جماعة كذا وكذا, كل هذه الجماعات هذا يجب علينا أن نحكم عليها بما أنزل الله, نحكم على هذه الجماعات بما أنزل الله, فما كان منها من باطل نرده ولا نقبله. فيعني مناهج الدعوة, مناهج الجماعات يعني من هذا الباب كذلك يجب أن نحكم فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان منها متمشيا مع الكتاب والسنة فهو منهج صحيح يجب السير عليه, وما كان مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله يجب أن نرفضه وأن نبتعد عنه, كما يجب أن نبتعد عن هذه الجماعات البدعية الخارجية المخالفة لحكم الشريعة وحكم الإسلام. ولا نتعصب لجماعة أو لحزب أو لمنهج دعوي ونحن نرى أنه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترى كثير من الذين يدعون اليوم إلى تحكيم الشريعة وإلى الحكم بما أنزل الله إذا جاء الأمر فيما يتعلق بالجماعات لا يحكمون بالشريعة في هذه الجماعات, ولا يطبقون الدليل من الكتاب والسنة على بطلان ما تفعله هذه الجماعات. وكذلك هناك ممن يقصر في هذا الأمر، يعني في التحاكم إلى كتاب الله والسنة، يعني يقصرون على المحاكم الشرعية فقط، يعني وهذا غلط، لأن المراد يعني التحاكم بالشريعة وبما أنزل الله في جميع الأمور وجميع المنازعات والخصومات في الحقوق المالية وفي غيرها، وفي أقوال المجتهدين وأقوال الفقهاء والمناهج الدعوية والمناهج الجماعية وفي العقيدة وفي جميع الأمور، لأن الله تعالى يقول: وما اختلفتم فيه من شيء، وشيء نكر في سياق النفي، فتعم النزاع في كل خلاف، سواء في الخصومات أو في المذاهب الفقهية أو في المناهج الدعوية. يجب أننا نعرف هذا ونعرف هذا جيدا، لأن بعض الناس وبعض المنتسبين إلى الدعوة يقصرون هذا على التحاكم في المنازعات والخصومات وفي المحاكم الشرعية، ويقول يجب أن نحكم بالشريعة ويجب أن ننبذ القوانين. وإذا جاء الأمر في مثلا في الفرق، كيف يعني لا تريدون التحكيم الشريعة في أمور السياسة وأمور الخصومات، وإذا جاء الأمر بمثلا الفرق الضالة، الخوارج، الشيعة، الرافضة، الجهمية، الأشاعرة، الماتريدية والجماعات، لا تحكمون فيها بما أنزل الله، لا تفرقون بينها فيما يتعلق بعقائدهم، ما هو الصحيح وما هو الباطل وما يخالف الكتاب والسنة وما يوافق، فهذا كذلك لا بد أن نكون على الأصل ونحكم في هذه الجماعات وهذه الفرق بما أنزل الله. إذا وقعت في الشرك أو في الكفر أو في البدعة، فنحكم عليها بالكتاب والسنة بأنها على البدعة وبأنها على الباطل، هذا واجب ويجب هذا، ولكن لا يجوز الاقتصار عليه، بل لابد أن يتعدى في جميع الأمور الأخرى إلى تحكيم الشريعة في كل ما فيه نزاع وفي كل ما فيه خلاف، سواء كان هذا الخلاف بين دول أو بين جماعات أو بين أفراد أو بين مذاهب أو اتجاهات. والحكم بما أنزل الله ليس واجب فقط على الحكومات، وليس واجب فقط على الحكام، بل يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يحكم بما أنزل الله في كل شيء، في حياته، في بيته، فيما يتعلق بجميع أمور حياته، في عقيدته وفي فقهه وفي منهجه، ليس فقط في أمور الحكام والقضاة والحكومات والدول والقوانين كما يفهمه بعض الناس. فلا بد من بيان هذا حتى يفهمه جميع المسلمين. فمسألة الحكم بما أنزل الله لا يختص بالحاكم أو القاضي، بل يدخل فيها كل من تولى الحكم بين اثنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل من حكم بين اثنين فهو قاض، سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتسب للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى الذي يعني يحكم بين الصبيان في الخطوط، فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام. وكذلك الواقع في أي معصية يصدق عليه أن الذي يقع في معصية من المعاصي، يصدق عليه أن نقول أنه حاكم بغير ما أنزل الله، مثلا رجل حلق لحيته، يعني يكون قد حكم، يعني حكم بهواه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكم في اللحية أن لا تحلق، فمن كان يعني يحلق لحيته فقد حكم هواه يعني في شأن نفسه، ولم يأخذ بحكم الله سبحانه وتعالى. فالذين يقولون أن كل من حكم بغير ما أنزل الله مطلق فر، يعني يكفر، يعني يكفر بسبب أنه يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فينبغي له أن يكفر جميع من يقع في معصية من المعاصي، وهذا لا يقوله إلا الخوارج. فلا بد أن نعرف هذا، يلزم على هذا تكفير كل من وقع في معصية كحالق اللحية وغير ذلك. ولأجل فساد هذا الإطلاق فقد قال العلماء في آية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فسرها العلماء من السلف والأئمة وقالوا قد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بآيات من كتاب الله ليست على ظاهرها، مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله فهو كافر، وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. وقال ابن حزم فإن الله تعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال فمن لم يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فليلزم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق، لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله. هكذا يعني بين بعض العلماء. وعندما نرجع إلى فتاوى أهل العلم وكلام الصحابة نجد أنهم قالوا فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، قالوا ليس الكفر الذي يذهبون إليه، وإنما هو الكفر دون كفر، كفر دون كفر، يعني كفر لا يخرج عن الملة، كفر أصغر. فالعلماء من السلف كانوا يفرقون بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، فقال العلماء في هذه المسألة سأل أحد قال متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز، وما نوع التكفير المذكور في الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال العلماء الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز، فنرى أن نبين أو أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها. أما نوع التكفير في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فهو كفر أكبر. وقال القرطبي في تفسيره قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، انتهى كلامه. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله ولكنه حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا، أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك، فهذا لا يجوز كفره، فلا يكون كفره أكبر بل يكون عاصيا، وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وبالله التوفيق. ومعنى ذلك أن من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا للحكم بما أنزل الله وأنه يرفض حكم الله فهذا يكفر، وكفره كفر أكبر. أما الذي يحكم بغير ما أنزل الله بهواه أو بشهوة أو بسبب حب المال أو كذا أو هوى في نفسه، وهو يعرف أنه عاص ويعرف أن الحكم بما أنزل الله، الحكم بما أنزل الله واجب، وأنه وقع في خطأ وأنه عاص لله، فهذا لا يكفر. والعلماء يقولون كفره كفر دون كفر، ولا يخرجه من الملة. فهذا التفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر هو الذي يميز بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الخوارج الذين يكفرون مطلقا بالمعصية أو بالحكم بغير ما أنزل الله. فإذا وجدوا هذا قالوا هذا كافر ويكفرونه، فهذا خطأ وهذا منهج باطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، قد سئل العلماء فيما يتعلق بهذه المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. من لم يحكم بما أنزل الله وهو مسلم، هل هو مسلم أم كافر؟ وهل كفره كفر أكبر؟ هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر، يعني تقبل منه أعماله؟ والجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن من استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر، يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم ويعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر، لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآية المذكورة. فهذا معناه. والعلماء قسموا الأمر إلى أربعة أقسام حتى يكون أسهل للناس للفهم هذه القضية. فقالوا: من اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله فهذا كفره كفر أكبر مخرج من الملة. ومن قال أن حكم الله ليس، يعني أن حكم غير الله ليس أفضل ولكن متساويا مع حكم الله، قالوا هذا كذلك كفره كفر أكبر، لأنه يساوي بين الله وبين خلقه في الحكم، وهذا كفر أكبر. وقالوا: والذي لا يقول أن حكم غير الله أفضل ولا متساويا ولكنه يجيز الحكم بغير ما أنزل الله ويقول أن هذا حلال وجائز أن تحكم بغير ما أنزل الله، هذا كذلك كفر أكبر يخرج من الملة، لأنه يعني استحلال، أنه تجعل يعني المعاصي تحلل تجعلها حلالا، وهذا الاستحلال كفر. إذا كان الشخص الذي يحلل يعني يعلم الحكم ويحلل الحرام ويحرم الحلال، هذا كفر يخرج من الملة. أما الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعترف بأنه عاص ويعتقد أن ما يفعله حرام ويفعله لهوى في نفسه أو لشهوة أو لعذر من الأعذار أو لسبب من الأسباب، فهذا لا يخرج من الملة، وكفره كفر أصغر لا يخرج من الملة، بل هو يعني عاص وفاسق. وهذه المسألة مهمة جدا حتى لا نقع في التكفير بالجهل، وأن نكفر المسلمين حكاما ومحكومين بجهل وبغلو، ونقع في منهج الخوارج ومنهج المعتزلة الضالين. Serviteur d'Allah, nous avons expliqué dans cette khutbah les principes qui ont rapport avec le takfir. Et inshallah, si vous voulez rester après la khutbah de Jumu'ah, on va les traduire pour vous en français, inshallah, parce que le temps est trop serré aujourd'hui pour traduire la khutbah sur le minbar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. On va traduire inshallah la khutbah en français, inshallah, pour ceux qui veulent avoir la traduction. Donc, premièrement, on a parlé dans cette khutbah du sujet du takfir. Étant donné que la semaine passée, on a parlé d'une question qui a rapport avec les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a. Le fondement en question, c'était le fait d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Même, on les écoute, écouter et obéir aux dirigeants dans le bien, même si ces dirigeants-là sont injustes. Ça fait partie des fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un autre sujet qui est relié à ce sujet-là et qui est relié également aux fondements de l'islam. C'est la méthodologie des gens de la Sunna, d'Ahl Sunna, au sujet du takfir. Et le takfir, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire de déclarer quelqu'un comme étant kafir. Et c'est quelque chose qui est très dangereux et qui se produit malheureusement beaucoup à notre époque par ignorance. Parce que les gens, beaucoup de musulmans, ignorent les principes de la charia et de l'islam sur ce sujet-là. Donc il faut savoir premièrement que le takfir, le fait de déclarer quelqu'un kafir, c'est un sujet dans lequel beaucoup de gens sont confus et mélangés. Et donc, ils font le takfir des musulmans et des dirigeants sans aucune justice et sans aucune connaissance. Donc, il faut savoir premièrement que le takfir, c'est quelque chose qui appartient à Allah et à son messager. Et donc, c'est un verdict religieux qui revient au livre d'Allah et à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas l'établir par autre chose que le Coran et la Sunna. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, comme on a dit, que ça revient à la preuve et non pas aux émotions, aux sentiments, aux désirs, aux traditions, aux coutumes. Donc, le takfir, c'est un droit d'Allah exclusif. Et donc, on ne peut l'établir, comme on a dit, que par ce qui vient d'Allah et de son messager. Parce qu'il y a des gens qui voient parfois quelqu'un qui fait un péché ou qui désobéit à Allah, et tellement qu'ils considèrent la laideur du péché en question qu'ils sont poussés par l'émotion ou bien par les sentiments à déclarer la personne qui commet ce péché-là comme étant kafir. Ils voient des gens qui désobéissent à Allah et qui persistent à faire des péchés et ils disent « Ah, ces gens-là, c'est pas des musulmans » ou bien « Ah, ces gens-là, c'est des kuffars ». Et ça, c'est très grave. Parce que ces gens-là, ils font ça sans aucune preuve du Coran ni de la Sunna. Juste parce qu'ils voient des gens qui font des péchés et ils trouvent ça quelque chose de mauvais. Et il n'y a pas de doute que c'est mauvais, que c'est laid, qu'est-ce qu'ils font. Mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir les exclure de l'islam et les déclarer mécréants sans avoir une preuve du livre d'Allah ou de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont averti contre le fait de déclarer le musulman mécréant injustement. Comme par exemple, le fait de dire à propos de quelqu'un, toi tu es un kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même mentionné dans un hadith que celui qui dit à son frère, oh toi le kafir, eh bien cette parole, si elle n'est pas vraie, elle va retourner sur lui. Elle va revenir sur lui, c'est-à-dire sur celui qui l'a prononcé. Parce que la personne en question, si elle ne mérite pas cette caractéristique d'être appelée kafir, alors dans ce cas-là, cette description, elle va revenir sur lui. Wal'iyadhu billah. Donc c'est très dangereux et c'est très grave d'attaquer ou de traiter quelqu'un de kafir sans preuve et sans justice, sans connaissance. Quatrièmement, et ça c'est un point qui est important que beaucoup de gens parfois ils connaissent pas ou ils comprennent pas comme il faut, c'est que c'est pas toute personne qui dit une parole de kufr ou qui fait un acte de kufr qui est automatiquement kafir. C'est-à-dire que quelqu'un peut parfois prononcer une parole de kufr ou faire quelque chose qui est kufr, mais les gens de Ahl Sunna, ils ne le déclarent pas automatiquement kafir. Pour quelle raison? Parce que il y a des empêchements. Et donc, avant de déclarer quelqu'un kafir, les ulama, ils vérifient premièrement d'avoir établi la preuve sur la personne. Et pour établir la preuve, il faut vérifier que les conditions sont présentes et qu'on a enlevé les empêchements. Quels sont ces empêchements? Le premier, c'est l'exemple de l'erreur. C'est possible que la personne, elle ait fait ce qui est kufr ou elle a prononcé ce qui est kufr par erreur. Et donc, par exemple, il y a un hadith qui est rapporté par l'imam muslim, dans lequel il explique qu'un homme était parti dans le désert avec sa monture, et sur sa monture, il y avait toutes ses provisions et son eau, et il a perdu sa monture. Il s'est endormi et sa monture était partie, son chameau était parti, donc il est resté comme ça sans rien, et il s'attendait à mourir. Alors il s'est allongé sous un palmier, il a attendu la mort jusqu'à ce que, quand il se réveille, il trouve sa monture près de lui avec ses provisions. Alors il était tellement heureux qu'il a dit, oh mon Seigneur, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. Il a dit, Allahumma, oh Allah, tu es mon serviteur, tu es mon esclave et je suis ton maître, je suis ton Seigneur. Il s'est trompé parce qu'il était trop content de retrouver sa monture. Donc au lieu de dire, tu es mon Seigneur, je suis ton esclave ou ton serviteur, lui il a dit le contraire. Et en disant ça, il a insulté Allah subhanahu wa ta'ala. Mais étant donné qu'il a dit ça par erreur, Allah subhanahu wa ta'ala l'excuse. Comme il le mentionne dans le Coran, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. C'est-à-dire, ô notre Seigneur, ne nous prends pas pour compte pour ce qu'on a fait par oubli ou par erreur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, comme c'est mentionné dans le hadith Qudsi, que lorsque il a révélé ce verset-là, il a dit qad fa'altu. C'est-à-dire, je ne vous tiendrai pas pour compte pour ce que vous faites par erreur, par oubli ou par erreur. Donc, celui qui fait un acte de kufr ou une parole, qui dit une parole de kufr par erreur, eh bien, il n'est pas permis de le déclarer kafir à cause de ça. La deuxième empêchement, c'est al-ikrah. Et al-ikrah, ça signifie la contrainte. Donc, si par exemple, quelqu'un parmi les musulmans, les gens l'ont torturé, des non-croyants l'ont torturé et ils l'ont contraint et forcé à dire des paroles de kufr ou à faire un acte de kufr ou à insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien dans ce cas-là il n'est pas mécréant. On n'a pas le droit de le déclarer mécréant s'il le dit par la contrainte ou sous la contrainte, comme c'est arrivé à Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, parce que les mushrikines l'avaient forcé à dire des insultes sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après avoir tué sa mère et son père. Donc ils l'ont torturé et lui ont dit, on ne va pas te libérer tant que tu n'as pas insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que tu n'as pas approuvé de nos idoles ou des choses comme ça. Alors il l'a dit Et lorsqu'il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, lorsque tu l'as dit cette parole, est-ce que tu avais le cœur apaisé par la foi? Et il a dit oui, certes, j'avais le cœur apaisé par la foi. Dans le sens que je ne le disais pas avec mon cœur, mais je le disais seulement par la contrainte. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il t'attrape encore une fois pour te faire dire cette parole, ou te faire qu'est-ce qui est kufr, ou dire du kufr, dis-le encore une fois, parce que tu es sous la contrainte, quelqu'un il est excusé. Et il a mentionné le verset dans Surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui rejette la foi, celui qui dit une parole de kufr, ou qui fait le kufr avec Allah subhanahu wa ta'ala, yani yakfur billah, yani man kafara billah, après avoir eu la foi, excepté celui qui a été contraint alors que son cœur est apaisé par la foi, donc celui-là il est excusé, celui qui dit une parole de kufr sous la contrainte il n'est pas mécréant, tandis que celui qui est satisfait de la parole de kufr ou de l'action dans son cœur, il est satisfait de ça, celui-là c'est quelqu'un qui sort de la foi. Parmi les choses également qui empêchent qu'on dise de quelqu'un qu'il est kafir lorsqu'il fait ou qu'il dit une parole de kufr ou qu'il fait un acte de kufr, c'est la personne qui est ignorante, c'est-à-dire quelqu'un qui ignore le verdict d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça peut arriver parfois à un musulman qui va dire des choses qui sont contraires à l'islam ou qui va faire des choses contraires à l'islam à cause de l'ignorance ou parce qu'il n'y a personne pour lui enseigner ou à cause de l'ignorance qui est répandue chez les musulmans à notre époque. Alors cette personne-là, si elle fait ce qui est kufr ou elle dit ce qui est kufr, on ne doit pas la déclarer kafir sans avoir vérifié si cette personne elle est ignorante ou non. C'est rapporté par At-Tirmidhi dans un hadith qui est rapporté selon Abi Waqid Al-Laythi. Il dit, nous sommes sortis avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vers Hunayn, et nous étions nouveaux dans l'islam. On venait de quitter le kufr. Et certains ont vu un arbre que les mushrikin utilisaient pour bénir leurs armes. C'est-à-dire que, parfois ils avaient des armes, et puis, ils avaient des armes et ils les accrochaient à un arbre. Et ils pensaient que l'arbre en question donnait de la force à leurs épées. Alors ils disaient, ils ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, désigne-nous un arbre à nous aussi, sur lequel on pourra accrocher nous aussi des armes, pour que nos âmes soient plus fortes et qu'elles soient bénies, nous aussi, comme les mushrikin. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il a dit, Subhanallah, lorsque vous m'avez demandé ça, vous m'avez exactement demandé la même chose que les fils d'Israël ont demandé à Moussa, alayhi salam, lorsqu'ils ont vu des mushrikin adorer une idole, et ils ont dit, désigne-nous une idole, donne-nous une idole comme eux, en ont une. Donc il leur a expliqué que de dire ça ou de faire ça, de chercher à utiliser ce genre d'arbre pour avoir de la baraka ou pour renforcer les armes, que ça c'est du shirk et qu'ils doivent pas demander ce genre de choses là. Mais parce qu'ils étaient nouveaux dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a pas déclarés mécréants, il les a pas traités de kuffar. Il les a plutôt enseignés, il leur a expliqué. Donc si le musulman tombe dans quelque chose de kufr par une parole ou par une action, il n'est pas permis de se précipiter, de dire lui il est kafir, avant d'avoir vérifié est-ce que la personne elle fait ça par erreur ou elle le fait volontairement, est-ce que la personne elle est contrainte ou bien elle l'a fait volontairement, est-ce que la personne elle est ignorante ou est-ce que la personne elle est savante quand elle a fait l'acte, et donc il n'est pas permis aux musulmans d'accuser ou de traiter son frère musulman de kafir pour ça. Et aussi il y a des questions dans l'islam parfois, c'est des questions qui sont très subtiles, des petits détails dans des questions qui sont connues que des grands savants de l'islam. Et si, par exemple, quelqu'un fait une erreur ou se trompe ou dit des choses par ignorance dans ces questions-là, la personne sera excusée si elle ne fait pas partie de ceux qui comprennent et qui connaissent. Comme l'exemple des Mu'tazila et des Jahmiyyah à l'époque de l'imam Ahmad, lorsqu'ils ont forcé les musulmans, à l'époque, ils avaient forcé les musulmans à dire que le Coran est créé. Et ils refusaient de croire que le Coran est la parole d'Allah, hein, à l'époque de l'imam Ahmad. Donc, le khalifa à l'époque, il faisait partie des Mu'tazila et il forçait tous les ulama et tous les imams et tout le monde à dire que le Coran est créé. Alors que de dire ça, c'est une parole de kufr. Et malgré tout, l'imam Ahmad, il ne les a pas déclarés kuffar, hein, parce qu'il a dit ce sont des juhals, ce sont des ignorants. Ils ne comprennent même pas ce que ça implique et qu'est-ce qu'ils disent. Hein. Donc il les a excusés pour leur ignorance dans des questions pareilles, à cause de ces croyances qui sont basées sur la philosophie, sur toutes sortes de croyances d'égarement. Donc il les a excusés dans ces choses-là. Également, il faut comprendre une chose qui est très importante aussi, c'est que à l'opposé de la méthodologie de Ahlus Sunnah, il y a la méthodologie des Khawarij et aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les Takfiriyin, ceux qui font le takfir sans connaissance, sans compréhension et sans connaître les fondements de Ahlus Sunnah. Donc les Takfiriyin, aussi les Haddadiyya, ceux qu'on appelle les Haddadiyya, ils font le takfir des musulmans sans vérifier et sans regarder les empêchements. Donc eux, depuis que quelqu'un dit une parole de kufr ou fait un acte de kufr, tout de suite ils vont dire ah lui c'est un kafir. Ils vont pas regarder est-ce qu'il a fait ça par erreur, est-ce qu'il a dit ça par ignorance, est-ce que c'est quelqu'un par exemple a été contraint ou est-ce qu'il a une shubha. Ils prennent pas compte de ça, ils mettent tout le monde directement dans le kufr, hein? Et donc ça, c'est bien entendu, c'est un manhaj qui est dangereux. Aussi, même ils font le takfir des musulmans juste pour un péché. Parfois il voit quelqu'un qui boit de l'alcool, il dit « Ah, lui, c'est un kafir. » Un musulman, il le voit, par exemple, qui fait zina ou des choses comme ça, il dit « Ah, lui, il est kafir. » Donc ça, c'est très, très grave. Et ils font le takfir aussi des dirigeants musulmans. Et ça, c'est encore plus grave. Parce que par la suite, ils se permettent de dire « Bon, tous ceux qui supportent le dirigeant ou le gouvernement, ça veut dire qu'il est avec eux, donc il est kafir lui aussi. » Donc ils vont faire le takfir des soldats, des policiers. Après, ils vont dire « Si la population est avec le dirigeant et le gouvernement, d'accord, donc dans ce cas-là, le peuple, la population aussi sont des koufars parce qu'ils ne se révoltent pas contre le gouvernement. Donc ils vont se permettre par la suite de tuer même la population des musulmans, comme c'est arrivé en Algérie, comme c'est arrivé dans d'autres pays musulmans également. Et donc ils ont fait couler le sang des innocents et ils ont pris des biens qui appartiennent soit à des biens publics ou soit à des biens privés. Ils se sont permis de faire ça. Puis après, ils ont même attaqué l'honneur des musulmans, hein, et violé des femmes, et ainsi de suite. Tout ça en se basant sur l'idée que ces gens-là sont des koufars et que eux font le djihad, fi sabilillah. Et aussi, parmi les arguments qu'ils ramènent parfois, c'est qu'ils disent, nous, on les déclare koufars, ces dirigeants-là, parce qu'ils n'appliquent pas la charia, ou parce qu'ils jugent par autre que ce que Allah a révélé. Et ça, c'est une attitude qui est connue chez les Khawarij depuis longtemps, d'utiliser le verset dans Surat Al-Ma'ida dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque ne juge pas selon ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les mécréants. » Alors que le fait de juger par la charia, c'est quelque chose qui doit être compris, que ça fait partie des principes de l'islam. Ça rentre dans l'unicité d'Allah, dans le tawhid. Et de juger par autre que Allah a révélé, ça rentre dans le shirk. Et la signification même de la ilaha illallah, quand on dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, parmi les implications de ce témoignage, ça implique que on doit uniquement juger par Allah, par son livre et par la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de doute que c'est une obligation et que ça fait partie des fondements de l'islam que de juger par le livre d'Allah et par la sunna. Et celui qui juge par autre que le livre d'Allah et par la sunna, alors il a un problème dans sa compréhension du tawhid et il a un problème dans ce qui dans la compréhension de ce que implique le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Parce que ça implique, comme on l'a dit, qu'on doit juger selon le livre d'Allah et la sunna du messager dans toutes nos affaires. Et c'est pas seulement dans les disputes ou dans les conflits quand on va aller dans des tribunaux, hein, ou à la cour islamique dans les pays musulmans, là où on applique la charia par exemple, que tu vas dire, ah, j'ai un problème avec quelqu'un, ou j'ai un conflit avec quelqu'un, ou bien quelqu'un a commis un crime, on va aller à la cour, le juge il va juger selon le Coran et la sunna, il va appliquer les peines, ou bien il va juger entre deux personnes quand il y a un conflit, et il pense que d'appliquer la charia, ça s'arrête là. Alors qu'en réalité, de juger par la charia, ça s'applique aussi aux divergences entre les écoles de fiqh, les madhahib, hein. Par exemple, le madhhab Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, des fois il y a des divergences entre ces écoles de fiqh. Donc, est-ce que quelqu'un qui dit par exemple, bon, moi je suis du madhhab un tel, donc je vais suivre ce madhhab, et toi tu lui ramènes le dalil du Coran ou de la Sunna qui contredit la parole de cet imam, et lui il dit non, moi je juge selon mon imam, je juge selon mon madhhab. Ça aussi, ça rentre dans le fait de ne pas juger selon la charia d'Allah et de juger par autre que ce que Allah a révélé. Parce que tu mets la parole de quelqu'un parmi les hommes, même si c'est un grand savant de l'islam, mais tu mets sa parole au-dessus de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu as jugé par autre que ce que Allah a révélé. Donc les paroles des savants parmi les mujtahidin, il n'y a pas de doute qu'ils peuvent se tromper dans leur jugement, mais s'ils se trompent par ijtihad, leur erreur sera excusée pour eux. Mais même si leur erreur sera excusée et même s'ils seront récompensés, on n'a pas le droit de les suivre fanatiquement et aveuglément lorsqu'on sait que leur opinion est en contradiction avec les preuves authentiques du Coran et de la Sunna. Donc même si c'est l'opinion d'un imam, d'un alim, d'un mufti, d'un sheikh, hein, peu importe, si qu'est-ce qu'il dit contredit la preuve, il faut laisser son opinion et suivre le dalil. Donc ça c'est un point, et ça rentre dans le fait de suivre aveuglément les savants dans les erreurs qu'ils font. Ça rentre dans le fait de rendre halal ce qui est haram et de rendre haram ce qui est halal, comme dans le hadith de Adi ibn Hatim. Également, dans les questions qui ont rapport avec les différentes méthodologies de la da'wah, il existe à notre époque différents groupes et différentes méthodologies que les gens suivent pour la da'wah. Le groupe des frères musulmans est différent de celui de Jamaat Tablir. Le groupe de Jamaat Tablir, il est différent de celui de Al-Qaïda. Celui d'Al-Qaïda, il est différent de celui de Daesh. Celui de Daesh, il est différent de celui de Boko Haram, et ainsi de suite. Chaque groupe, il amène une différente méthodologie, une méthodologie différente. Est-ce que on va toutes prendre ces méthodologies-là, puis on dit aux musulmans, vous pouvez toutes suivre celles que vous voulez? Non, il faut juger entre ces différentes méthodologies selon le Coran et la Sunna, selon la Sharia. Hein, il faut juger selon ce que Allah a révélé entre ces différentes méthodologies-là. Et donc, celles d'entre elles qui ont des contradictions avec les preuves du Coran et de la Sunna, on doit les rejeter. Et celles qui sont en accord avec le Coran et la Sunna, on accepte ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Mais ce qui est contraire, on le rejette. Donc la plupart de ces gens-là qui appellent aujourd'hui à juger selon ce que Allah a révélé, quand ils arrivent à la question des groupes et des organisations et des méthodologies, ils veulent plus juger selon ce que Allah a révélé. Hein? Ils disent non, eux, il faut les laisser libres. Chacun a le droit de suivre la méthodologie qu'il veut. Donc pourquoi ils demandent d'appliquer la charia dans les questions qui ont rapport avec les peines et les disputes, mais quand ils arrivent à la question des groupes et des jama'at, ils veulent plus juger selon ce que Allah a révélé. Ça prouve qu'ils ne sont pas sincères. Ça prouve qu'ils ne sont pas cohérents. Ça prouve que ce sont pas des gens qui veulent vraiment le jugement d'Allah et de son messager et de la charia, mais qu'ils veulent uniquement suivre leur passion, et ils utilisent la question du fait de juger selon ce que Allah a révélé uniquement pour des intérêts politiques et des intérêts économiques. C'est-à-dire, ils utilisent ce verset وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Il l'utilise uniquement pour des intérêts et pour des fins politiques, pour déclarer mécréants ceux qui sont au pouvoir et essayer de justifier leur révolte contre eux pour eux prendre leur place sur le trône. C'est seulement pour ça qu'il utilise ce verset-là, puisque eux-mêmes, ils ne jugent pas selon ce que Allah a révélé. Donc comment vous accusez ceux qui sont au pouvoir de ne pas juger selon ce que Allah a révélé, alors que vous-même, vous n'êtes même pas au pouvoir et déjà vous ne jugez pas parce que Allah a révélé. C'est la preuve que vous êtes incohérent et que vous n'êtes pas sincère. Il faut également juger selon ce que Allah a révélé dans les questions qui ont rapport avec la croyance, le tawhid, la aqidah. Vous voyez les différentes sectes qui existent, comme la secte des Shia, Rafida, la secte des Khawarij, la secte des Mu'tazila, la secte des Asha'ira, les Asha'ira et les Maturidiya, qui nient les attributs d'Allah. Ceux qui, par exemple, parmi les Soufiya, font du dhikr avec des instruments de musique. Ils font de la danse dans les mosquées. Ils vont, par exemple, se permettre, par exemple, de croire en Wahdatul Wujud, que Allah est dans toutes choses et partout. Ou de croire que, par exemple, ils peuvent faire des invocations en appelant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au lieu d'appeler Allah seul. Donc, tout ça, il faut juger dans ces choses-là selon le Coran et la Sunna, selon la Sharia, pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Mais eux, ils ne veulent pas appliquer la Sharia entre ces sectes et juger d'après ce que Allah a révélé entre ces groupes. Ils veulent uniquement à des fins, comme on a dit tout à l'heure, à des fins politiques. Tandis que le vrai croyant, le vrai mu'min, il juge selon ce qu'Allah a révélé et selon la Sharia d'Allah dans tous les aspects de la vie. Que ce soit des questions politiques, des questions économiques, des questions sociales, des questions qui ont rapport avec la croyance, des questions qui ont rapport avec la méthodologie, des questions qui ont rapport avec les peines, les choses pénales, les choses qui ont rapport avec les différents madhahib, les différents manahij, toutes les divergences, peu importe la divergence, puisque Allah il dit dans le Coran, وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Peu importe la chose dans laquelle vous divergez, son verdict revient à Allah. Donc, peu importe la chose, ça veut dire dans tous les aspects, dans toutes les questions. Donc, que ce soit des conflits ou des disputes entre deux musulmans, ou entre deux états, ou entre, yani, deux écoles de fiqh, ou entre deux jama'ah, ou entre deux groupes, ou entre, yani, peu importe. On doit revenir au jugement d'Allah et de son messager. Et donc, il y en a d'autres qui disent non. Si c'est des questions entre des jama'at ou entre des groupes ou des madhahib, il faut se taire. Il faut accepter la divergence. Il faut accepter la différence. Même si ça contredit le verdict d'Allah et de son messager. Non, ça c'est pas vrai. Il faut juger dans toutes les divergences selon le Coran et la Sunna. Et aussi, il faut comprendre un autre point qui est très important par rapport à la question de juger selon ce que Allah a révélé. C'est que ça s'applique pas seulement à ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que celui qui juge par ce que Allah a révélé, ça doit pas, c'est pas quelque chose qui se limite uniquement au président d'un pays, ou au roi, ou au chef d'État. Ça s'applique pas non plus seulement au juge, qui est juge dans le tribunal ou à la cour. Ça s'applique pas seulement non plus, par exemple, à quelqu'un qui a une position d'autorité. Le fait de juger parce que Allah a révélé, ça s'applique à tout jugement qui existe entre deux personnes. Peu importe la question ou le sujet ou la catégorie, et même dans la personne avec ses enfants, la personne avec sa famille, la personne chez lui dans sa maison, la personne dans la rue, la personne au travail, la personne à l'école, dans tous les aspects de ta vie, tu dois juger selon ce que Allah a révélé. Donc ça s'applique pas juste aux dirigeants. Donc pourquoi eux, les Khawarij et les Takfiriens en particulier, pourquoi ils spécifient que c'est le dirigeant qui est kafir? Alors que le verset, il ne mentionne pas que c'est seulement les dirigeants, s'ils jugent par autre que ce que Allah a révélé, que c'est eux qui seront les kuffars. Le verset dit pas, si les dirigeants qui sont au pouvoir ne jugent pas selon ce que Allah a révélé, alors ceux-là seront les mécréants. Le verset ne dit pas ça. Le verset dit, toute personne qui juge par autre que ce que Allah a révélé, alors ils sont des mécréants, peu importe qu'ils soient des dirigeants ou non. D'accord? Donc le fait de spécifier les dirigeants, ça prouve que c'est des gens qui ont une autre intérêt, une autre intention derrière leur parole. Et Ibn Taymiyyah, il mentionne dans Majmu' al-Fatawa, le volume 18 à la page 170, il dit, toute personne qui juge entre deux personnes, que ce soit un juge, que ce soit quelqu'un qui est par exemple un capitaine un dirigeant dans la guerre, ou quelqu'un qui est responsable d'un ministère, ou quelqu'un qui a un poste et qui ordonne le bien ou qui interdit le mal, ou quelqu'un qui juge même entre les enfants, hein. Les sahaba considéraient que c'était tous des juges. Hein? Subhanallah. Et un autre point aussi qui est important à comprendre, c'est que si on considère que tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois juger selon ce que Allah a révélé, ça veut dire que même dans les actions que tu fais qui sont des péchés, tout ce que tu fais comme péché, ça rentre dans le fait de juger par autre que ce que Allah a révélé. Donc quand tu commets un péché, tu juges par autre que ce que Allah a révélé, ça c'est certain. Aussi la bid'a. La bid'a, ça rentre dans ça aussi. Parce que celui qui fait une bid'a, il juge par autre que ce que Allah a révélé. Non seulement il juge, même il légifère dans la religion d'Allah. Parce que il rend quelque chose qui ne fait pas partie de l'islam, il en fait une adoration. Ou il en fait quelque chose que Allah aime et que son messager sallallahu alayhi wa sallam aime. Donc en faisant ça, il légifère dans la religion d'Allah. Donc si par exemple, ici on donne l'exemple, quelqu'un qui rase sa barbe. Qu'est-ce que c'est le verdict d'Allah au sujet de la barbe? Le verdict d'Allah au sujet de la barbe, c'est qu'elle ne doit pas être rasée. Ça c'est le verdict de l'islam. Maintenant, la personne, elle vient, elle rase sa barbe. Est-ce qu'elle a jugé selon le verdict d'Allah? Non. Elle n'a pas jugé selon le verdict d'Allah. Donc, ça veut dire que la personne a jugé selon autre que ce que Allah a révélé. Est-ce qu'on va déclarer toute personne qui rase sa barbe kafir? Non. Allah il dit, فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Donc ça veut dire, celui qui ne juge pas selon ce que Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Mais il faut comprendre le verset selon la façon dont les sahaba l'ont compris. Parce que les khawarij ont compris, tous ceux qui font un péché, ils ont jugé par autre que ce que Allah a révélé. Donc ils disent, celui qui boit de l'alcool, il a jugé par autre que ce que Allah a révélé. Celui qui fait le zina, il a jugé par autre que ce que Allah a révélé. Celui qui fait du riba, il juge par autre que ce que Allah a révélé. Et c'est vrai. Mais les sahaba, comment ils ont compris le verset? Ils ont compris le verset en disant, celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, en niant le verdict d'Allah, ou en rejetant le verdict d'Allah, ou en rendant ce qui est haram halal, ou en rendant halal ce qui est haram avec connaissance, celui-là il est kafir et il sort de la religion. Il a fait un acte de kufr, ou il a fait un kufr qui est majeur, un kufr majeur qui fait sortir de l'islam, parce qu'il a renié le verdict d'Allah. Comme par exemple celui qui boit de l'alcool et il reconnaît que de boire de l'alcool c'est un péché. Il sort pas de l'islam. Hein? Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît qu'il est pécheur. Il reconnaît que c'est haram. Celui qui boit de l'alcool et qui dit c'est halal de boire de l'alcool. Et tu lui montres le verset dans le Coran et dit oui mais c'est halal quand même. Moi je considère pas que c'est haram. Celui-là il est kafir. Il est mécréant et sa mécréance est majeure. Même s'il ne boit pas d'alcool, même si lui-même il boit pas de l'alcool, mais il croit que l'alcool est halal, alors qu'il sait que c'est haram dans le Coran, celui-là il est kafir pour avoir rendu l'alcool halal. Pas parce qu'il l'a bu l'alcool s'il l'a bu. La même chose pour le fait que c'est quelqu'un qui rase sa barbe. Tu vas pas dire de celui qui rase sa barbe qu'il est kafir parce qu'il a contredit le verdict d'Allah. Non, tu vas dire, tant qu'il reconnaît que ce qu'il fait c'est un péché, alors c'est un pécheur, il n'est pas mécréant. Et c'est comme ça que les salafs l'ont expliqué. Ils ont dit, il y a une différence entre le kufr akbar et le kufr asrar. Le kufr majeur et le kufr mineur. Donc si vous voyez par exemple des dirigeants qui contredisent le jugement d'Allah, hein, si vous leur demandez, est-ce que vous croyez en la charia? Est-ce que qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna c'est la vérité? Ils vont dire oui. Et vous leur dites, est-ce que vous croyez que qu'est-ce que vous faites, hein, qui est contraire à la charia, ça c'est ça qui est correct, ou bien ce que Allah a révélé? Ils vont dire c'est ce que Allah qui a révélé qui est correct. Mais ils, hein, comme les ulama l'ont expliqué, et on va le lire tout à l'heure, vous allez voir. Sauf que ceux qui interprètent le verset de façon absolue et qui disent toute personne qui juge par autre que ce que Allah a révélé, il est kafir de façon générale, ceux-là c'est les khawarij. Hein? Ça c'est leur méthodologie à eux. Et ils contredisent Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet-là. Et il y a une fatwa qui a été faite par Al-Lajnat al-Da'ima de Al-Ifta du Royaume de l'Arabie Saoudite. On a posé les questions aux ulama là-bas. Parmi eux, Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, Abdul Razzaq Afifi, Cheikh Abdullah al-Hudayyan et Abdullah ibn Qu'oud. Ça c'est les membres du comité permanent des savants là-bas. Et ils ont répondu à cette question. Celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, est-ce qu'il est kafir d'un kufr majeur? Et est-ce que ses œuvres seront acceptées? Et ils ont répondu en disant, les trois versets, dans Surat Al-Ma'ida, le verset 44, 45 et 47, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque juge par autre que ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les mécréants, et celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, ceux-là sont les injustes. Et celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, ceux-là sont les pervers. Mais qui, hein, ils ont dit, mais celui qui rend halal cela, c'est-à-dire il rend le fait de juger par autre que ce que Allah a révélé, il le rend halal et il croit que c'est permis, celui-là, son kufr est un kufr majeur. Et son injustice, son dhulm est une injustice majeure. Et son fisq est un fisq majeur, un péché majeur, et qui le fait sortir de la religion. Mais s'il le fait parce que on lui a donné un pot de vin, il juge par autre que ce que Allah a révélé parce qu'on lui a donné un pot de vin, ou pour un autre but, une autre raison, objectif ou intention, alors qu'il croit que de juger par autre que ce que Allah a révélé est haram, alors celui-là, il est un pécheur. Et on considère sa mécréance comme étant une mécréance mineure, un kufr asghar, et non pas un kufr akbar. Hein? Et son injustice est une injustice mineure, et son fisq est un fisq mineur qui ne le fait pas sortir de la religion. Et les hommes de science ont expliqué cela dans leur tafsir. Et parmi les ulama de tafsir, Abdullah ibn Abbas qui a expliqué que c'est un kufrun duna kufr, hein? Et Mujahid également, et beaucoup d'autres parmi les ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils ont expliqué que si la personne elle reconnaît le verdict d'Allah, dans ce cas-là, elle est musulmane, sauf qu'elle a commis un péché, et son kufr est un kufr. Hein? Si la personne, elle reconnaît que ce qu'elle fait, c'est une erreur, que c'est un péché, que c'est haram, et qu'elle le fait quand même, ça c'est un kufr mineur. Hein? Et c'est un péché qu'elle commet, et elle ne sort pas de l'islam pour ça. Toutefois, si elle le fait en reniant le verdict d'Allah, ou en rendant halal ce qui est haram, hein, dans ce cas-là, elle a commis un acte de kufr majeur qui fait sortir de l'islam. Donc il faut distinguer entre les deux cas. Le cas où l'acte ou la parole est un kufr mineur et un shirk mineur ou un dhulm mineur, ou le cas où c'est un kufr majeur et un shirk majeur ou un fisq majeur ou un dhulm majeur, dans ce cas-là, qui fait sortir de l'islam. Si tu fais pas la distinction entre les deux, tu tombes facilement dans la méthodologie des khawarij et tu fais le takfir des musulmans sans preuve. Et ça, c'est très dangereux et c'est très grave. Et beaucoup de gens, malheureusement, sont tombés dans cette erreur-là à notre époque et commencent à faire le takfir des dirigeants. Ils disent, ah, oh, mais ils appliquent pas la charia. Hein? Et ils oublient que, hein, beaucoup des pays musulmans, ils ont vécu la colonisation pendant des siècles, hein, pendant des années, des décennies. Et que les koufars, pendant des années, ils ont occupé les pays musulmans, ils ont tout fait pour changer justement le système judiciaire, le système juridique dans les pays musulmans, le système pénal. Ils ont tout modifié dans les pays musulmans pour justement éloigner les musulmans de l'application de la charia de l'islam. Hein? Donc, ça s'est fait, ça a pris du temps pour que les musulmans s'éloignent de la charia, et ça prend du temps pour que les musulmans reviennent aussi à l'application de la charia comme Allah l'a ordonné. Et donc, il ne faut pas se précipiter à déclarer les gouverneurs, les dirigeants et les gouvernements kuffars, hein, sans connaissance et sans science. Il faut retourner pour ça aux ulama de l'islam et aux savants de la religion, ceux qui connaissent comme il faut le Coran et la Sunna et qui ont de l'expérience dans ces questions-là et qui connaissent les détails de ces sujets-là et qui sont capables de les comprendre et de juger dans ces situations-là, et non pas à des jeunes ou à des ignorants qui n'ont pas étudié la charia avec les savants de l'islam et qui parfois sont des autodidactes qui se basent sur leur propre compréhension du Coran, hein, et ils font comme les khawarij, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ils lisent le Coran mais ça ne dépasse pas leur gorge. Ils récitent le Coran mais ça ne dépasse pas leur gorge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils le récitent avec leur langue mais sans aucune connaissance et sans aucune compréhension, et ça n'entre pas dans leur cœur. Et c'est ça ce qui est arrivé à l'époque des Khawarij, à l'époque de Ali radiallahu anhu, quand ils sont sortis avec les armes pour combattre les Sahaba, hein, ils pensaient qu'ils comprenaient mieux le Coran que les Sahaba. Et la première chose qu'ils ont dit à Ali, hein, la hukma illa lillah. Le verdict ou le jugement n'appartient qu'à Allah. En voulant dire, tu ne juges pas selon ce que Allah a révélé. Hein, parce qu'il avait pris des arbitres entre lui et Muawiyah pour régler le conflit. Et eux, ils pensent que ça, c'est de juger par autre que ce que Allah a révélé. Alors, Abdullah ibn Abbas les a réfutés. Il leur a dit, n'est-ce pas que Allah, dans le Coran, quand il y a des conflits entre un homme et sa femme, il doit prendre un arbitre, un juge de sa famille et un juge de sa famille pour régler les problèmes entre les deux. Et ça ne fait pas partie de juger par autre que ce que Allah a révélé, puisque c'est Allah qui nous ordonne de prendre deux juges, un de chaque famille. Et de même que quelqu'un qui chasse pendant qu'il est en état d'ihram, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans surat al-Ma'idah qu'il faut prendre un juge qui va déterminer la valeur de ce qu'il a chassé, et pour qu'il sache qu'est-ce qu'il doit donner en compensation pour avoir chassé pendant qu'il était en état d'ihram. Là aussi, Allah nous ordonne de prendre un juge. Alors, comment tu vas dire que de prendre un juge de façon absolue, que ça c'est de juger par autre que ce qu'Allah a révélé, et tu vas déclarer Ali radiallahu anhu, le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le mari de sa fille Fatima radiallahu anha, un des plus savants de l'islam, tu penses que lui il comprend pas le verset inil hukmu illa lillah, et tu penses qu'il comprend pas le verset wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, et tu le déclares kafir et tu dis qu'il ne juge pas selon ce que Allah a révélé, hein? Et comment ils ont fait le takfir de Uthman ibn Affan et qu'ils l'ont même assassiné dans sa maison? Tout ça c'est l'attitude des khawarij, ce qu'ils faisaient à l'époque des sahaba. S'ils ont été capables de le faire aux sahaba, qui sont les meilleurs des musulmans après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ils sont capables de le faire à n'importe qui d'entre nous. Parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui est plus savant ou plus pieux que les sahaba. Et donc c'est ça le danger des khawarij et des takfiriyin. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.